turn the scary part of the yokai into something positive. En regardant mes angoisses droit dans les yeux, sans les lunettes de la peur, sans me dire que tout le monde m'en veut, j'ai compris que l'habitude rend banal les trucs précieux, que certaines choses ne changent pas, mais qu'au final c'est peut-être mieux, que si je peux pas changer les choses, je peux changer comment je les vois, que si je peux pas changer les autres, je peux changer leur influence sur moi. Y'a toujours moyen de faire des reproches. Les défauts des proches paraissent plus gros juste parce qu'ils sont proches. En regardant mes problèmes sous un autre angle, j'ai vu que je prends la haine contre ceux que j'aime parce qu'ils sont présents. Un jour tu te sens comme étouffé par les liens du sang. Un jour tu te rattrapes à ces mêmes liens parce qu'ils seront là tout le temps. Si le passé s'efface jamais vraiment, c'est pour que les bons souvenirs aussi restent éternellement. Un passé toxique peut toujours ressurgir, c'est un rappel pour te dire, oublie jamais comment t'en sortir. Oublie pas, je peux te pardonner même si j'oublie pas. T'as beau changer où tu vas, tu changeras jamais d'où tu pars. C'est cool de vouloir vivre libre au milieu de nulle part, jusqu'à ce que t'appelles à l'aide et personne peut t'entendre ni te voir. En regardant mes angoisses une dernière fois, j'ai vu des millions de voix faire n'importe quoi pour prendre une part de moi. Ils veulent tous rentrer dans nos crânes, essayer de le hack et les médias, c'est Médusa pour les détruire, faut pas les regarder. En voyant les fantasmes que j'osais pas m'avouer, j'ai compris que la tentation disparaît vraiment jamais. Tu dis que c'est fini, que les sirènes pourront plus te happer, jusqu'au moment où t'aimerais bien que quelqu'un vienne te charmer. Maintenant je sais que je suis humain et que je pourrais craquer, mais je sais aussi que j'ai beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Quand la frustration s'en mêle, souvent faut juste en parler. Les monstres grossissent dans le noir, faut pas les laisser se cacher. En regardant ce que j'ai fait sans la pression d'échouer, je me rappelle que je l'ai fait car d'abord je l'ai rêvé. On choisit pas d'être artiste mais on choisit d'être payé. Y'aura toujours des collègues relous peu importe ton métier. Vivre sa passion c'est une chance, qui dit chance dit risque. L'autre option c'est la vie d'avant, celle qui me rendait triste. Je sais que si j'existe c'est qu'il y a des gens qui me suivent. Je dois faire des sacrifices, je peux pas juste leur vendre des disques. Et casse-toi, parfois faut fuir, pas le choix. Détruire dans des rares cas mais le plus souvent faut prendre sur soi. Donner de son temps, faire le tri dans les traces. Les solutions simples aux problèmes complexes sont des arnaques. En regardant mes soucis sous un autre jour, j'ai enfin compris que les embrouilles font partie de l'amour. Vouloir les esquiver, c'est esquiver l'autre. Et vu mes stats, faut mieux que je parte du principe que c'est ma faute. Je vais avoir une grande responsabilité bientôt, ça m'effraie. Mais je sais que je me sens pas prêt, juste parce que c'est vrai. C'est ce qui fait la beauté d'être parent. Enseigner, c'est apprendre. L'avenir, c'est aller de l'avant. Maintenant, je sais que quand il arrivera, j'écouterai plus la petite voix. Celle qui me tire vers le bas, qui fait que t'y arrives pas. Celle qui prend la voix de ton père, qui dit t'iras nulle part. Celle qui dit que t'es minable, qui dit baise-la, quitte-la. La paranoïa qui te dit qu'un tel ou truc a dit ça, machin a l'air bizarre, qui fait que tu sais plus qui croire. Celle qui fait que tu t'énerves avant de comprendre ce qui se passe. La boule de haine dans le ventre, le maléfice dans le miroir. Maintenant quand j'entends cette voix, j'imagine mon petit gars. Je sais que c'est plus seulement la mienne, mais aussi son histoire. Je sais qu'avant j'étais tout seul, mais désormais je suis trois. Et que mon seul but c'est de mettre un sourire sur leur visage. Je sais que c'est eux qui me portent. Je sais que plus la lumière est forte, plus les ombres sortent. Je sais que chacun de mes problèmes a sa solution propre. Quand je veux pas avouer que j'ai tort, je me rappelle que pour être fort, fallait être nul d'abord. Je sais que j'ai juste envie de faire partie des gentils. Et que la peur a été créée pour qu'on reste en vie. C'est pas facile tous les jours, mais c'est comme ça qu'on grandit. Sinon c'est plat et je devrais affronter le yokai de l'ennui. She didn't see them as monsters anymore.